Chapitre 5. Les Caños, la Cienega, Gaïra. Le lendemain de mon arrivée à Barranquilla, je me rendis de bonne heure sur le port, dans l'espérance de trouver quelques bongos en partance pour Pueblo Viejo, village situé au pied de la Sierra Nevada de Sainte-Marthe. Le seul patron qui se déclara prêt à faire le voyage était un homme de mauvaise mine, et j'étais presque décidée à attendre le bongo de la poste qui devait partir dans 3 jours, lorsqu'en levant les yeux au-dessus de l'horizon, j'aperçus une ligne bleue faiblement tracée dans l'espace. C'étaient les cimes de cette Sierra Nevada vers laquelle je voyageais depuis si longtemps et que j'avais choisie pour ma patrie future. Je n'hésitais plus un instant. Je fis porter mes effets sur le bonguito qu'on m'offrait. Le patron appela ses 2 rameurs, acheta sa provision de bananes et de yuccas et détacha la corde qui retenait au rivage la petite embarcation. Après avoir péniblement navigué à travers les roseaux de petits caños, nous arrivâmes en amont du delta sur le fleuve, large de plusieurs kilomètres et semblable à une mer projetant de grands détroits entre les îles boisées. Les arbres des rives me paraissaient à peine aussi élevés que des saules, et le haut cocotier vers lequel se dirigeait notre bonguito semblait une petite banderole marine flottant en guise de pavillon. 1 heure de traversée environ nous conduisit au pied de cet arbre, situé à l'origine même du delta, entre les 2 embouchures. Mes rameurs, fatigués, et d'ailleurs toujours empressés de faire une sieste, attachèrent la barque à une racine, dévorèrent quelques restes de poisson et commencèrent à sommeiller. Quant à moi, je me hâtai de quitter leur compagnie gênante et, m'enfonçant dans une avenue ombragée par de magnifiques manguiers, j'allai m'asseoir sur l'herbe courte à quelques pas d'une maisonnette en briques entourée de bananiers. Le feuillage épais ne laissait pénétrer jusqu'à moi qu'une lumière presque crépusculaire. Seulement, à l'extrémité de l'avenue, je voyais briller au rayon du soleil l'eau jaunâtre du fleuve. Une vache errante me flairait de loin. 2 petites filles à la peau noire, cachées à demi derrière les arbres, examinaient à la dérobée le voyageur qui venait s'endormir à l'ombre de leur manguier. L'ensemble du paysage formait un tableau gracieux, et je l'admirais paisiblement, sans m'inquiéter de certaines démangeaisons que je ressentais par tout le corps. Peu à peu, cependant, ces démangeaisons devinrent intolérables, et bientôt je m'aperçus avec terreur que j'étais couvert d'innombrables garapatos, verts et rouges, qui buvaient mon sang par des milliers de blessures imperceptibles. Note 1. Ou agarapatos. Ainsi nommés parce qu'ils se cramponnent, agarrar, dans les chairs avec leurs pattes armées de vrilles. Tous les efforts que je fis pour me débarrasser de cette engeance furent vains, et il fallut me livrer sans résistance à ces insectes acharnés, attendant qu'ils voulussent bien se gonfler de sang et se détacher d'eux-mêmes. Il m'était impossible de rester plus longtemps à l'ombre de ces manguiers perfides, et j'allais secouer mes compagnons qui se réveillèrent en grommelant et prirent leur âme de très mauvaise grâce. Ils partirent cependant, et le mouvement, la brise fraîche qui passait sur le fleuve, le plaisir de voir se dérouler le paysage, calmèrent un peu l'état d'irritation où m'avaient plongé les morsures des garapatos. Après avoir suivi quelque temps une des rives du fleuve, hérissée de racines et de troncs d'arbres entremêlés, le bonguito pénétra tout à coup dans un petit canal dont l'entrée était obstruée par des buissons sur lesquels reposaient d'énormes iguanes enflant et désenflant leur cou. Ce canal, connu sous le nom de Caño Clarino, a été creusé de main d'homme à travers une levée d'alluvion et réunit le Magdalena aux immenses marécages que parcourait l'ancienne embouchure de ce fleuve. Il est à peine large comme un de ces fossés qui, dans certaines parties de la France, séparent 2 propriétés. Et je me donnais plus d'une fois le plaisir enfantin de sauter d'une rive à l'autre par-dessus le Banguito. Deux embarcations ne peuvent s'y croiser, et quand elles s'y rencontrent, il faut que l'une d'elles retourne en arrière, jusqu'au fleuve ou jusqu'à la première lagune de l'intérieur. Ce petit désagrément nous arriva. Nous avions pénétré dans le canal depuis un quart d'heure déjà, lorsqu'une autre barque nous força de rebrousser chemin et de revenir à l'entrée même du Caño Clarino. Vers midi, les rameurs amarrèrent le Banguito pour faire une nouvelle sieste. L'endroit qu'ils choisirent pour aller s'étendre était aussi peu agréable que possible. C'était un bois de manseniliers que traversaient dans toutes les directions des sentiers formés par les bestiaux d'un rancho voisin. Les manseniliers au maigre feuillage laissaient passer les rayons du soleil dans toute leur force. Mais ils arrêtaient la brise et l'on ne pouvait respirer au pied de ces grands arbres qu'un air étouffant auquel les marécages des environs mêlaient une odeur fétide. Des nuages de moustiques s'élevaient en bourdonnant autour des troncs. Nulle part il ne croissait un brin d'herbe et le sol, tout zébré de lumière, était parsemé de fruits pourris ou écrasés. C'est là que s'endormirent paisiblement mes compagnons, tandis que je rôdais, ça et là, non pour éviter le sommeil fatal qui, d'après les récits poétiques, descend des feuilles du mancenillier, mais pour chercher un peu de répit aux piqûres des moustiques. De temps en temps, je ramassais quelques-uns de ces fruits verts, dont le parfum est si délicieux et qui pourtant donne la mort à celui qui s'en nourrit. Image trop fidèle de la nature perfide et enchanteresse des tropiques. Après avoir longtemps erré dans le bois, je revins près des trois dormeurs qui ronflaient à l'envi et j'étudiai tout à l'aise leur figure. Je dois avouer que ces hommes me causaient une certaine frayeur et je n'attendais pas sans appréhension la nuit que j'aurais à passer dans leur compagnie, au milieu d'une lagune déserte où les cris d'un homme assassiné n'auraient trouvé d'autre écho que les hurlements des singes à l'ouattès. Le patron de la barque était un vieux noir à la figure ridée, aux petits yeux ironiques, à la bouche contractée par un rire faux. Pendant toute la matinée, il n'avait cessé de me regarder d'un air triomphant, comme un oiseau de proie qui tient un roitelet dans ses serres. Des deux rameurs, le plus âgé avait la figure d'un gris bleu, couleur indiquant un mélange confus de diverses races. Son front, ses joues étaient rayées de longues cicatrices bordées de blanc, produites sans doute par des coups de machette reçus dans quelques rixes. Pendant qu'il ramait, ses yeux féroces s'étaient souvent fixés sur moi. Une fois même, je l'avais surpris examinant la serrure de ma malle et en secouant le cadenas. Le troisième, jeune indien à la taille courte et ramassée, au jarret musculeux, au teint rouge, à la figure joufflue, me paraissait moins redoutable que les autres. Il avait même dans le regard une certaine expression de douceur. Aussi pris-je la résolution d'en faire mon ami pour qu'il pût au besoin me défendre contre mes deux autres compagnons de voyage. Dès que la sieste fut terminée, et que les trois rameurs, après s'être suffisamment étirés les bras, se furent assis dans le Banguito, j'engageai conversation avec l'Indien. Il parut très flatté de mes égards pour lui, et 10 minutes ne s'étaient pas écoulées qu'il me racontait son histoire et m'avouait naïvement avoir fait 2 années de travaux forcés dans le Presidio de Carthagène pour cause de vol avec effraction. Cette révélation inattendue était peu faite pour me rassurer, mais je n'eus qu'à jeter un regard sur le patron et l'autre rameur pour me convaincre qu'en pareille compagnie, je n'avais pas le droit de me montrer difficile. Je continuai donc à converser avec mon nouvel ami, lui donnant sur les Européens et les Yankees des renseignements qu'il écouta bouche béante et avec une respectueuse admiration. Je lui parlai des grandes villes, des longues voitures qui marchent toutes seules sur des tringles de fer, des fils de cuivre qui conversent comme des hommes et se font entendre à 100 lieues de distance. Enfin, quand l'Indien fut bien émerveillé, je lui fis part de mes plans. Je lui dis que j'allais me livrer à l'agriculture dans quelques vallées de la Sierra Nevada aux environs de Sainte-Marthe. Soy pratico de la Sierra. Je connais bien la montagne et je vous conduirai partout, s'écria-t-il avec joie. Quand vous passerez à Banda, demandez Zamba, Simon Guama, et vous verrez si les Indiens ne savent pas donner l'hospitalité comme les Espagnols. Je n'avais plus rien à craindre. Devenu l'hôte de Zamba, je pouvais être sûr qu'au besoin, il me défendrait jusqu'à la mort. Aux dernières lueurs du crépuscule, le Bonguito jetait l'ancre dans l'eau noire du lac de Cuatro Orcas, ou quatre fourches, ainsi nommées, à cause de quatre caños qui viennent y aboutir. Sous prétexte de faire mes arrangements pour le sommeil de la nuit, je disposais mes effets en travers du bateau de manière à avoir les serrures tournées vers moi. Puis je dis à l'Indien de venir s'étendre à mon côté et je plaçai une rame à portée de ma main. La lune et la lumière zodiacale brillaient avec une rare intensité et me permettaient de distinguer les moindres mouvements de mes compagnons. La brise du soir soufflait impétueuse et retenait dans les roseaux les moustiques qui volent ordinairement par myriades sur toutes les étendues d'eau dormante. Il ne me fut donc pas difficile de rester la tête découverte et les yeux fixés vers l'autre extrémité du bateau. Les hurlements des singes alouates me tinrent éveillé à tous les instants de la nuit. Je m'en félicitais d'autant plus que le rameur, à la figure cicatrisée, veillait aussi, et de temps en temps dressait silencieusement sa tête pour darder sur moi ses regards perçants. Quant au vieillard, il semblait dormir paisiblement. C'était peut-être à tort que je lui avais attribué des pensées de crime. La journée suivante, ce furent de nouveaux marées et des canaux tortueux à peu près semblables à ceux que nous avions parcourus la veille, mais d'un caractère plus grandiose grâce à la magnifique végétation qui en ombrage les bords. Les racines des mangliers, arc-boutées l'une sur l'autre, se rejoignent à 5 ou 6 mètres au-dessus de la surface de l'eau et forment ainsi de gigantesques trépieds sur lesquels se dressent les troncs lisses comme des mâts de navire. À travers le fouillis de ces innombrables racines aériennes des mangliers apparaissent d'autres arbres croissant dans un sol moins spongieux que celui de la rive. C'est là cette immense et redoutable forêt qui remplit une grande partie du bassin du Magdalena et se prolonge sans interruption à plus de 100 lieues au sud, jusqu'au pied des hauteurs d'Ocaña. Cette forêt a été traversée dans tous les sens par les conquérants espagnols. Aussi, combien d'entre eux furent dévorés par les crocodiles et les jaguars, combien noyés dans les marais, combien tués par la fièvre, plus terrible que les flèches empoisonnées des Indiens Cocinas. Je me souviens d'une halte que nous fîmes sur la péninsule de Salamanca à l'entrée de la Ciénega de Sainte-Marthe, lagune parsemée d'îlots et couvrant une superficie de plus de 800 km². Note 1. Ciénega, marais de Cieno Fange. À l'est se dressent les escarpements de la Sierra Nevada comme un formidable rempart appuyé sur d'énormes contreforts. De tous les autres côtés s'étendent de vastes forêts croissant dans un sol d'alluvion apporté par le Rio Magdalena. La péninsule de Salamanca, qui sépare la haute mer de la Ciénega, ressemble au Neringen de la mer Baltique et à cette remarquable flèche d'Arabat, baignée d'un côté par la mer d'Azov, de l'autre par la mer Putride. Comme toutes les péninsules de la même nature, celle de Salamanca a été portée à l'entrée du marais par les vagues chargées de débris. Le sable s'est déposé graduellement de manière à former un cordon littoral. Puis les vents y ont amoncelé des dunes errantes qui se promènent çà et là, excepté dans les endroits où s'est pendant le cours des siècles élevée une forêt qui leur oppose la barrière infranchissable de ses troncs. Une seule ouverture fait communiquer à travers la flèche de Salamanca les eaux saumâtres et chaudes de la Ciénega avec l'eau comparativement plus fraîche de la mer des Antilles. La plage où nous débarquâmes était ombragée de mancenilliers et de quelques arbres dont les branches pendantes ressemblaient à celles de nos saules pleureurs. Plus de 50 barques étaient attachées à des racines et se balançaient à côté les unes des autres. Des groupes nombreux de pêcheurs étaient épars çà et là autour de grands feux allumés sur le sable des dunes. Une affreuse odeur de poisson empestait l'atmosphère. Laissant mes effets à la garde de mon nouvel ami Zamba, je m'empressai de traverser les groupes et montant sur la plus haute dune, j'interrogeai l'horizon pour trouver aussi rapidement que possible mon chemin vers la mer. Je l'atteignis bientôt en me glissant à travers des fourrés de mangliers noirs et d'arbustes épineux. La plage sablonneuse s'étendait à perte de vue en un vaste demi-cercle de l'embouchure de la Ciénega à celle du Rio Magdalena. À l'est apparaissaient les promontoires escarpés de Gaïra et de Sainte-Marthe, dominés par les bleus sommets de la Sierra. Devant moi, les vagues poussées par une forte brise venaient, hautes et pressées, bondir l'une après l'autre sur le sable. Fatiguée comme je l'étais des lagunes d'eau stagnante, des fanges nauséabondes, de l'air tiède et immobile des marées, je respirais avec délice cet air vif saupoudré de l'écume des vagues. Quand je revins au campement des pêcheurs, je ne réussis pas, comme la première fois, à éviter les questions. Et malgré moi, je dus m'asseoir sur le sable à côté de plusieurs métis qui faisaient sécher des poissons à la fumée d'un feu de bois vert. Mon ami Zamba avait évidemment chanté mes louanges, car mes interlocuteurs ne manquèrent pas d'entamer tous les sujets sur lesquels avait roulé ma conversation avec l'Indien. Il me fallut donc discourir pendant plusieurs heures, parler de Madrid, de Paris et de Londres, causer industrie, sciences et arts. Ces avides questionneurs m'écoutaient avec joie et moi-même, heureux de trouver des auditeurs si bénévoles, j'oubliais l'odeur limoneuse du poisson et la fumée suffocante pour me donner tout entier au plaisir d'enseigner à des ignorants le peu que je savais. Le plus jeune des pêcheurs, celui qui m'écoutait avec le plus d'intérêt, avait, je ne sais où, entendu parler d'Athènes. Il m'interrompait souvent. On dit qu'il y a de bien beaux temples à Athènes. On sculpte de belles statues à Athènes. L'université d'Athènes est la plus célèbre du monde entier, n'est-ce pas? Aucune langue n'est aussi belle que le latin d'Athènes. Chose étrange que cet écho loin de la Grèce sur les dunes de l'Atlantide. La gloire de Phidias et de Périclès avait mis 2000 ans à franchir les mers et maintenant des pêcheurs américains s'en entretiennent comme si cette gloire était encore la plus rayonnante de l'ancien monde. Je quittai mes nouveaux amis qu'à la nuit tombante. La voile fut hissée sur le mât pliant du bon Guito et peu de minutes suffirent pour nous faire perdre de vue les arbres de la rive. Je pris les mêmes précautions que la nuit précédente et je restai les yeux braqués sur ceux qui m'inspiraient une si grande méfiance. Je ne cessai un instant de voir distinctement le patron tenant le gouvernail et le métis assis à côté de la voile. Cependant, mon état de veille se mélangeait d'une manière intime avec un certain sommeil, et tous les objets qui passaient sous mes yeux, grandement ouverts, m'apparaissaient comme autant de chimères entrevues dans un rêve. Les vagues noires que notre bon Guito fendait avec bruit prenaient des formes fantastiques et comme des traits grimaçants. Les herbes flottantes au milieu desquelles nous passions me semblaient de grandes îles couvertes d'arbres touffus et volant sur la surface des eaux avec la vitesse des hippogriffes. Tout à coup, je vis, ou plutôt je devinai que nous nous arrêtions sur la rive, à l'embouchure d'une vallée. Le métis descendait du bon Guito, puis le petit esquif recommençait sa course désordonnée. Aussitôt, je m'endormis d'un sommeil profond. Quand je me réveillai, il était matin. Le métis avait en réalité disparu et le bateau jetait l'ancre dans un petit port à côté d'autres embarcations. Sur la plage, je voyais les cabanes du village de Pueblo Viejo. C'était jour de marché. Des Noirs et des Indiens allaient et venaient devant les huttes, offrant leurs poissons en hurlant à tue-tête. Après avoir renouvelé à Zamba Simon Guama la promesse d'aller le visiter à Banda, je sortis du bateau et je courus m'enquérir dans le village des moyens d'arriver à Sainte-Marthe. Pour m'y rendre par mer, j'aurais dû attendre plusieurs jours le départ d'un grand bongo. Je préférais louer un mulet pour porter mes bagages et aller moi-même à pied. La distance de Pueblo Viejo à Sainte-Marthe est de 40 km environ. Il n'y avait pas là de quoi m'effrayer, et dès que j'eus trouvé un mulet, je me mis résolument en route, accompagné d'un jeune guide indien nommé Pablo Fonseca. En moins d'un quart d'heure, nous avions contourné une forêt de grands arbres et nous arrivions en vue de Pueblo Nuevo de la Ciénega. Cette ville, qu'on appelle communément la Ciénega tout court, est située dans une plaine unie comme la surface d'un lac au pied des montagnes de la Sierra, verte à la base, bleue au sommet et coupée de vallées nombreuses. Du côté de la mer, le sol est presque nu et n'a d'autre végétation que des salsols et des salicornes. Mais tout autour des maisons s'épanouissent des arbres touffus qui font à la ville comme un nid de verdure et du milieu desquels jaillissent les hampes des cocotiers. À l'intérieur, la Ciénega ne dément pas ce qu'elle promet vue à distance. Les rues, larges et droites, sont assez animées. Les maisons blanchies à la chaux sont presque toutes couvertes en tuiles. À travers les portes entrouvertes des jardins, on aperçoit des arbustes en fleurs. De tous les côtés s'élèvent de nouvelles constructions, témoignages des progrès matériels de la Ciénega. Sa population, forte de 6000 âmes, dépasse aujourd'hui celle de Sainte-Marthe, la capitale de l'État souverain de Magdalena. Cependant, la Ciénega ne compte au nombre de ses habitants ni hommes de race blanche, ni négociants étrangers, comme Sainte-Marthe et Barranquilla. Elle est peuplée d'Indiens et de Métis, qui ne doivent leur prospérité qu'à eux-mêmes. Sur les hauts plateaux de la Nouvelle-Grenade, l'antagonisme des races produisit la révolte des Comuneros vers la fin du siècle dernier et finalement amena la guerre de l'indépendance et l'expulsion des Espagnols. Depuis cette époque, les descendants des Muiscas ont reconquis leur nationalité et, formant de beaucoup la majorité des néo-grenadins, ont à peu près absorbé les Blancs. Maintenant, ils sont confondus avec eux en un seul peuple. Note 1. Lors de la découverte de l'Amérique, les Muiscas qui habitaient le plateau de Cundinamarca n'étaient guère moins civilisés que les Aztèques. Pour être aussi connus, il ne leur manquait qu'un historien. Sur les bords de l'Atlantique, il n'en est pas encore ainsi. La haine subsiste entre les deux races, et comme deux pôles chargés d'électricité contraires, Sainte-Marthe et la Ciénega se sont élevés face à face. La première a l'avantage immense de posséder un vaste port et de commercer directement avec tous les pays du monde. Moins favorisée, la Ciénega ne peut faire qu'un petit trafic de cabotage dans sa lagune et le long des rivages, mais elle a sur Sainte-Marthe le privilège d'être habitée par des Indiens aborigènes qui ne redoutent pas le travail, comme la plupart des Blancs du littoral. Aussi, les résultats de la lutte entre les deux villes sont-ils complètement en faveur des Ciénegueros. Dans les vallées de la Sierra Nevada, sur les rives de tous les cours d'eau, ils cultivent de vastes champs de bananiers, de manioc, de papayes. Ils parcourent la lagune dans tous les sens sur leurs bateaux de pêche. Ils approvisionnent Sainte-Marthe de légumes, de fruits et de poissons. Sans eux, sans leur travail, cette ville qui s'endort paresseusement au bord de sa belle plage serait exterminée par la famine. Dans les derniers temps, la rivalité des races s'est graduellement transformée en rivalité politique. Les Samarios, habitants de Sainte-Marthe, désireux de maintenir l'ancienne suprématie de la race blanche, sont naturellement devenus conservateurs, tandis que les Ciénegueros sont en fait démocrates et lors des élections votent comme un seul homme en faveur des candidats libéraux. Pendant les révolutions qui agitent la République, ils ne craignent pas d'envahir en armes la ville de Sainte-Marthe et les Samarios osent rarement prendre leur revanche. En sortant de la Ciénega, où mon guide Pablo Fonseca m'avait fait rester assez longtemps sous prétexte d'acheter du foin pour son mulet, mais en réalité, dans le seul but de faire les yeux doux à quelques belles, nous traversâmes un torrent dont les bords fertiles sont plantés de bananiers, puis nous suivîmes le rivage sur une levée de sable formée par les vagues, laissant à droite, au milieu des arbres, la sucrerie à vapeur du génois Andrea, seul habitant étranger de la Ciénega. Nous arrivâmes sur le bord du rio Toribio, l'un des torrents les plus fougueux du versant occidental de la Sierra Nevada. Les ruines d'un pont emporté par une inondation obstruaient encore le lit. Je voulais passer le fleuve à gué en traversant les rapides formés par le courant au milieu des pierres. Mais Pablo me détourna vivement de ce dessein, prétendant que de redoutables crocodiles avaient choisi pour repère des cavernes creusées par les eaux au pied même des piles. Le mulet, déjà chargé de mes malles, reçut encore sur son large dos le poids de nos deux personnes et nous porta sans broncher à la berge escarpée de l'autre rive du Toribio. Au-delà de ce fleuve, le paysage change de nature. Ces montagnes se rapprochent de la mer et projettent dans les flots des promontoires abrupts que le chemin contourne par une succession interminable de montées et de descentes. On ne voit plus de bananiers ni d'autres plantes cultivées, mais seulement des mimosas épineux, des gaillacs, arbres dont les troncs au bois dur croissent généralement dans un sol infertile. Le terrain dénudé laisse voir partout ses veines de pierre. Parfois le chemin s'engouffre dans un barranco, profonde ravine aux parois rouges et brûlées, où, pendant la saison des pluies, descendent de furieux torrents, mais où l'on chercherait en vain une goutte d'eau pendant la saison des sécheresses. Au milieu de ces rochers qui répercutaient les rayons du soleil, je ne respirais plus qu'un air embrasé. La sueur descendait à larges gouttes sur mon visage. La fatigue commençait à alourdir mes membres. Cette fatigue devint bien plus forte encore lorsqu'au sortir d'un profond barranco, je me trouvais dans un chemin sablonneux assez rapproché de la mer. Les cactus qui se dressaient de chaque côté du sentier, comme des rangées de pieux hauts de 10 mètres, étaient trop clairsemés pour donner de l'ombre et trop épais pour laisser passer la brise marine. Quelques mimosas guamos couverts de leurs fleurs jaunes répandaient dans l'atmosphère un terrible parfum qui donnait le vertige. Le soleil perpendiculaire laissait tomber sur moi ses pesants rayons. À chaque pas, nous enfoncions dans un sable brûlant. « Quand arriverons-nous donc au village de Gaïra ?» demandai-je souvent à mon guide. « Bientôt, tout de suite !» me répondait-il. Et je me figurais qu'au premier détour du sentier, j'apercevrais sans doute une fraîche auberge environné d'arbres touffus et se mirant dans un ruisseau. Mais je ne voyais toujours que les cactus dressés contre le ciel comme une forêt de lances. Tout à coup, Pablo, fatigué comme moi, sauta sur le mulet, piqua des deux et me laissa tout seul, n'ayant pour me conduire au village que les traces des sabots de sa monture. J'étais prêt de m'abandonner au désespoir lorsque le chemin déboucha sur une plage où, plus de 3 siècles auparavant, des centaines d'Espagnols, fatigués et brûlés par le soleil comme je l'étais maintenant, furent battus sans peine par les Indiens de Gaïra et repoussés dans les flots où ils périrent jusqu'au dernier. Tant que je suivis le bord de la mer, je me sentis revivre sous les lentes caresses de la brise. Mais dès que les traces des pas m'eurent ramené vers l'intérieur des terres, je perdis immédiatement la force de diriger mes pensées et de nouveau, je devins la proie de la chaleur. Une haie de manglier arrêta le léger souffle marin qui m'avait rafraîchi jusque-là et je vis s'étendre au loin, devant moi, une plaine blanche de sel coupée de mares d'eau stagnante. J'avançais péniblement à travers l'eau et les sables brûlants. Une soif dévorante me torturait. Ma langue était collée à mon palais. Il me semblait que ma cervelle était en ébullition. Des frissons convulsifs me traversaient le corps. Ma peau était devenue sèche, mes poings se serraient, mon œil était fixe. J'avais froid par moments. J'attendais à chaque instant que le soleil m'atterra par un dernier rayon. Et pour jouir de mon reste de vie, je me livrais avec enivrement à des rêves de naïades et de tritons folâtrant au sein des eaux fraîches, sous des ombrages éternels. Enfin, j'atteignis la lisière de la forêt de cactus et de mimosa. Encore jusqu'à cet arbre, dit en moi un reste de volonté. Mon corps obéit. Encore jusqu'à cet autre, répéta la voix intérieure. Ainsi, je me traînais de mimosa en mimosa. Soudain, je vis à mes pieds un ruisseau, un vrai ruisseau, que mes yeux dilatés me firent apparaître grand comme un fleuve. Des arbres aux larges branches se miraient dans les eaux. Des jeunes filles venaient y remplir leurs cruches. Des enfants s'y baignaient en jouant. Des vaches y buvaient à l'entrée. J'eus la force de traverser le ruisseau sans m'y plonger tout entier et j'allais tomber au seuil de la cabane où m'attendait mon guide. Je restai près d'une heure, étendu sur une natte, ahuri, stupide, voyant danser devant mes yeux des objets aux formes bizarres, mais sentant, comme dans un rêve, qu'une main féminine me soignait avec douceur. Quand je me réveillai de mon étourdissement, une jeune indienne se tenait devant moi et me présentait une calebasse pleine d'une boisson fortifiante. Cette jeune fille était belle, ses yeux noirs brillaient d'une tendre pitié. Sa figure rouge, entourée de longs cheveux flottants, me semblait resplendir de lumière. Je crus voir un génie bienfaisant. À sa vue, je me sentis émue. Mon cœur s'emplit d'affection pour cette étrangère qui secourait ainsi un voyageur inconnu et je me demandai un instant si je ne ferais pas bien de mettre un terme à mes voyages et de bâtir ma cabane au bord du ruisseau de Gaïra. Faut-il courir le monde comme un insensé alors qu'on peut trouver le bonheur dans une hutte de branches à l'ombre d'un palmier? Je résistai cependant à la voix intérieure qui me parlait. Je fis signe à mon guide et je le suivis à travers la forêt. Une heure après, nous arrivions à Sainte-Marthe au moment où un coup de canon annonçait l'entrée d'un navire dans le port. Fin du chapitre 5.